3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh. Sup, no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Voilà. Je sais pas si on va faire toute la saison à base de passe-passe sur le jingle d'entrée, mais pourquoi pas. D'ailleurs, petite nouveauté, vous l'avez vu, il y a eu un léger petit remix de notre générique. Générique, bah oui, pourquoi ? Il y a un petit problème de droit YouTube, là, tu connais combat. Bon. Est-ce que ça va, Seb ? Eh ben écoute, ouais, ça va, bon, drôle de semaine, hein, c'est avec tous ces matchs en fin de semaine, là, la reprise de la NBA, mais sinon, oui, ça va, nickel, la santé, tout va bien. Content de retrouver nos Knickerbockers. Ouais, ben écoute, il y a pas mal de choses à dire, mais carrément, je suis content que la saison soit recommencée, voilà, que soit lancée, exactement. Parce que bah du coup maintenant on est il y a plus de spéculation maintenant, on est dans le vrai. On est dans le concret. On n'est pas qui est-ce qu'on va aligner, qui va performer, qui va se blesser, qui va avoir tel temps de jeu. Est-ce qu'il y aura de DNP? Est-ce que les Français vont briller à New York? Non, il y a plus de ça. Maintenant on est dans le concret. On va pouvoir débriefer ce qui s'est passé et on regarde tout de suite ce qui s'est passé la semaine dernière pour la semaine de reprise de la NBA. 3 matchs au programme des Knicks et plein de choses à raconter. Pas de temps à perdre, on lance le jingle, c'est parti pour l'épisode 132. Et oui, la NBA est de retour, c'était après un long moment de sevrage estival, d'intersaison, que l'on retrouve les Knicks, et ça fait plaisir, et il s'est passé plein de choses, déjà sur cette semaine de reprise, avant la reprise des matchs, on a eu une petite signature, qui ça donc, Mohamed Diawara, ça y est, il a converti un contrat garanti aux Knicks, voilà. Il n'y aura pas de retour en Europe, ou alors ça coûtera plus cher aux Knicks. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite signature ? Est-ce que c'est bon signe ? Est-ce que c'est un signe de confiance du coaching staff, du front office ? Il y avait un spot libre, il fallait trouver un mec. Il l'a plutôt plu, je pense, et en Summer League et dans les matchs de pré-saison. Voilà, donc ils lui font confiance. Après, est-ce qu'il y aura plus ? Pas comme nous le dira. On partage pas les mêmes agents, ils partagent le même agent que notre bon Gershon, mais voilà, en tout non, cas. Non, mais oui, c'est important. C'est important. C'est bien pour lui. Au moins, voilà, une saison c'est long, hein, 82 matchs. Tu sais que t'es jusqu'à début avril. Qu'est-ce qui va se passer? Mike Brown peut avoir tendance aussi à faire appel à ses mecs. Tu vois, regarde, on a eu 3 matchs, on a eu déjà 2-5 différents. Peut-être qu'à un moment donné, sur certaines phases de jeu, il va le lancer et puis on dira, ah bah tiens, il est là. Donc écoute, on verra, c'est bien. Affaire à suivre, en tout cas, c'est un contrat de fait, c'est un Knicks, un Français de plus à New York officiellement. Voilà, et puis la semaine dernière, avant que tout ça se lance, on a vu qui ? Tom Thibodeau. Alors Tom Thibodeau, on en a beaucoup parlé la saison dernière. Ah, il fait la tournée. On devrait un petit peu moins en parler cette saison, quoique, il fait la tournée. On l'avait vu du côté de Minnesota, voir ses anciens teammates. OK, ici aussi. Il est allé. Puisque Mark Degno a parlé, il est allé à OKC, Mark Degno a dit, ouais, je suis content qu'il soit venu, c'est un exemple, machin, tout ça. Donc, il est parti distiller la bonne parole un peu dans toutes les équipes qui sont considérées comme les futurs, on va dire, adversaires des Knicks. C'est pas mal. On dirait un peu l'ex trompé qui se venge, tu vois, et qui va voir un petit peu, qui va dire, ah lui, c'est un salaud. Peut-être qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de rancœur chez notre bon Tom, à voir, mais en tout cas voilà, ça a un peu surpris, c'est qu'il est retourné du côté de Boston pour un peu donner des explications. Bah ouais, on vous a tapé parce qu'on avait ça comme plan. Ah bon, curieux. Autant les précédents passages de Tom Thibodeau en recherche ou en dépose de CV, hein, je pense que c'est peut-être aussi une façon de dire, au fait, je suis toujours libre, moi. Alors, J'ai pas de problème de gambling, visiblement, je suis pas trop parti de poker. Il y a un poste qui s'est libéré dans l'Oregon. À voir, à voir. Il a, Mais si, il a voilà. entraîné, j'allais dire, si, il a entraîné à la côte ouest avec Minnesota. Si, il a entraîné à la côte ouest. Oui, bah Minnesota, tout à fait. C'était son ancien club. Les Boston Celtics, il a été champion avec, en tant En qu'assistant tant de Doc qu'assistant, Rivers. Donc, bon, à voir, à voir. Il a encore les portes ouvertes, en tout cas pour lui. Et c'était marrant, curieux. Ça a fait un peu grincer des dents pour certains Ah, de bah dire, ouais. ah, tu vas pactiser avec l'ennemi. Bah Bah, oui, mais il faut se rappeler qu'il a coaché là-bas aussi. ouais, d'accord, mais bon, t'es pas obligé non plus De là à distiller. d'aller papoter comme ça quelques mois après. Ok, d'accord, tu t'es fait lourder, tu peux mal le vivre, surtout que tu as vu, il y a un papier là qui est sorti avec justement un peu les coulisses du truc. Il a été extrêmement blessé parce que il a toujours défendu, on va dire, il a été très corpo dans sa façon de se comporter, et d'avoir été lâché comme ça, notamment par les hautes instances, ça lui a fait du mal. C'est pour ça que je parlais un peu de l'ex-blessé, tu sais, après rupture. Tu vois, tu as l'impression, voilà, qu'il a maintenant, il fait, ah d'accord, ok, bon, vous m'avez pas respecté, et à mon tour de pas vous, de peut-être de me venger à ma façon. Tu sais, t'as l'impression De qu'il m'afficher au bras d'autres. C'est à peu a... près C'est ça. ça. Ouais, donc voilà, Voilà. bon, écoute, après il fait ce qu'il veut. Moi je lui en tiens pas rigueur. Ça a été Non, ça restera un très grand un grand coach coach, Genix. exactement. Maintenant, bon, si on perd parce que en fait ton petit Bodo est allé dire, tiens, il faut mettre la pression sur Jalen Brunson, faire des prises à deux, et qu'on perd là-dessus, c'est que notre jeu est vraiment très pauvre. Donc bon, c'est. Oui, et puis c'est que les coachs adverses ne savent pas qui est Jalen Brunson depuis 3-4 saisons. Donc Aussi, voilà. aussi. Autre élément qui a fait un peu grincer des dents avant les débuts de ces matchs, c'était la déclaration de Karl-Anthony Towns, pas par rapport à Tom Thibodeau, mais par rapport à son coach actuel, lorsqu'on lui a demandé un petit peu comment il voyait son positionnement dans le jeu et dans le jeu offensif. Bah, il a une réponse qui était peut-être sans filtre, qui était un peu glaçante de vérité, peut-être aussi, qui ne rassure pas forcément Ouais, mais sur le alors. début de cette saison. Il y a eu la Quel. pré-saison, il y a eu training camp, mais le Karl-Anthony Towns, il ne sait pas trop quel rôle on attend de lui en attaque. Quel Et c'est un peu désastre. embêtant quand même. Quel désastre cette communication-là de dire ça à la veille du premier match, de dire, oh ben, je sais pas ce que le coach il Oh, veut. bon, on verra, on verra. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Mais pff, bon, après moi, de toute façon, moi j'ai mon avis sur 4. Ouais, ok, il joue pour les Knicks. Après, voilà, c'est. Lui, Bon, il est. il a fait des bonnes choses, c'est pas le problème. Après, tu sais, des fois, tu as des sensibilités avec des joueurs. Regarde-toi par exemple, tu vois des mecs comme Jokic ou Doncic, c'est pas des mecs qui te, tu sais, qui te font vibrer quelque chose, tu vois, machin. Ben, moi, Kat, ok, d'accord, c'est un joueur des Knicks, mais moi, il m'inspire rien, il m'évoque rien, en fait, tu vois. Il Donc. a un côté nonchalant sur le terrain, des fois, qui est un peu agaçant. Donc. Il a ses plaintes pour des fautes à répétition. Et puis là, en termes de communication, c'est plutôt un communicant assez, comment dire, jovial, éclairé, animé, rigole assez facilement. Là, voilà, c'était un peu surprenant, ce genre de déclaration au début de la saison, Et puis avec ton nouveau aussi tôt dans coach. la saison. Et Avec un puis. nouveau coach, ça montre une certaine forme de rupture où, dès le début. Voilà, on est là peut-être pour apprendre à se connaître avec un nouveau coach, avec une nouvelle équipe, un nouveau Bah dispositif c'est de ça, jeu. Mais c'était un peu précipité comme déclaration, quoi. tu vois ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il aurait dû dire. Ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'il aurait dû dire. Oui, bon, actuellement, on est en phase où, justement, machin, on apprend à se connaître. Malgré il y a eu très peu de matchs de pré-saison. Mais bon, là, forcément, peut-être que les premiers matchs, ça va un petit peu pêcher, mais c'est normal, on a un réglage. Tu vois ce que tu as dit? C'est ce qu'il aurait dû C'est un dire. discours qu'on a entendu et réentendu, et Bah voilà, oui. le sport nous sert un peu toujours les mêmes discours. Et effectivement, il y a des habitudes de langage. Mais non, voilà, c'était bizarre. C'était bizarre. Alors après, est-ce que ça fait réagir en interne? On ne sait pas. Est-ce que sur les matchs qu'on a pu voir, est-ce que Karl-Anthony Towns était complètement perdu en attaque? On va pouvoir en parler. Mais voilà, en tout cas, des déclarations qui ont fait réagir avant cet opening night. Et on va y venir justement, cette Opening Night, c'était la semaine dernière, ouverture de la saison au Madison Square Garden, l'occasion de retrouver un beau Garden, bien rempli, les fans étaient au rendez-vous, et parmi les fans au rendez-vous, eh bien, on avait un membre de la KNF, Chapi, que vous connaissez bien puisqu'il anime très régulièrement, de façon hebdomadaire, quasi hebdomadaire, là en ce moment il est en déplacement pro, hein. des Space avec nous, la libre antenne de la Knicks Nation France la saison dernière, et cette saison aussi, qui sera de retour très prochainement. Eh bien, il était sur cette opening night, ce petit vénère, ce petit chanceux. Il a pu profiter du spectacle. Un bon match en plus en guise d'ouverture. On avait des doutes sur les joueurs qui allaient être disponibles pour cette opening night. C'était pas évident au début là. Il y avait pas mal d'interrogations et puis. Mitchell Robinson, voilà, on va en parler. Josh Hart qui était blessé, ok. Et puis Karl Anthony Towns qui était incertain. Ouais. Il savait pas où on allait le faire jouer. OG, je crois. Il y avait OG aussi. Ouais, il y avait des, un peu aussi un jeu de poker menteur. Les joueurs sont en début de saison, ils ont des petites crampes, ils ont des petites courbatures, ça se comprend. Hein, quand nous, on reprend le sport, c'est pareil, ça tire un peu au début. Faut boire de l'eau, un petit peu de massage. Et on peut dire qu'ils ont des quelques kinés qui sont là pour les masser, ce qui n'est pas le cas forcément, nous, dans nos sports amateurs. Non. Mais voilà, c'est la différence entre la NBA et d'autres structures, d'autres ligues. En tout cas, Karl Anthony Towns était au rendez-vous et le Madison Square Garden et son public étaient là aussi. Un match plaisant, les stars étaient présentes aussi. Les anciens Knicks, on a vu Patrick Ewing, mais c'est l'ambassadeur de la franchise. On n'a pas vu trop d'autres. Bernard King était là. Melo, parce qu'il est en train de faire ses repérages pour voir au plafond s'il reste de la place. Voilà. Donc, là, on peut pas me mettre, là, entre les... Là, je verrais bien le 7 entre le... Ouais. On en reparlera, mais en tout cas, Melo est toujours dans la place. C'est son maillot qui va monter ou son hoodie? Peut-être les deux. Peut-être un maillot avec une bannière avec une capuche. Hoodie floqué. Qui sait? Et le grand première Onyx, quoi. T'imagines, là? Nous, on estimait qu'on ne pouvait pas retirer le maillot de Carmelo. Cependant, on va retirer son hoodie. Donc, et vu que Dolan, il est capable de faire des trucs de percher, donc en fait, dans la salle, personne, lors des matchs de Knicks, doit porter un sweat à capuche. Attends, mais tu as été au Garden, bon, moi aussi, mais tu le sais qu'il y a différentes vitrines dans les travées du Madison Square Garden, et il y en a une pour le dunk de John Stark, il y en a une pour le 4 points de Larry Johnson, action emblématique, il y en a une aussi vitrine plutôt dans un sport différent qui est le catch, hein, le WrestleMania, WWC, avec le slip de Hulk Hogan, le slip jaune. Donc pourquoi pas un hoodie de Melo pour ses 62 points, son match record encore au Madison Square Garden. Moi je dis, plutôt que de retirer ce jersey numéro 7 là qui fait un peu grincer des dents à certains, bah mettons une vitrine et puis voilà quoi. Il aura son lieu de pèlerinage pour les fans de Melo. Ils viendront déposer comme se prosterner des bandeaux, ils feront des suites comme ça. Ouais. devant la vitrine plutôt que au plafond, ça pourrait être un bon compromis, hein. Voilà. Écoute, moi je suis plutôt pour cette option. Ouais, c'est moins clivant, on va dire, que le retrait de maillot. Mais bon, on verra ce qui est décidé, ça c'est une autre histoire. De retour, il y avait aussi un retour marqué cette semaine avec la marque Tops. La marque de le fabricant de cartes. Historique. Petit bout de carton. Historique. Petit bout de carton à collectionner, historique. T'en as soit sûrement des Tops. Ah ouais. Première génération NBA, des Knicks. Et bien voilà, ils ont fait les choses en grand. Il y avait différents événements. J'ai même la collection, la collection 2000, la collection 2003-2004 avec la. Alors évidemment, j'ai pas la rookie de LeBron parce que écoute, elle est tellement chère. J'ai une. C'était il y a 20 ans, mais par contre, j'ai l'original de la rookie de Carmelo Anthony, tu vois. On parle de Carmelo Anthony. Hey. Hop. Ouais. Ok. Bon, pas signé, hein, mais bon. Ah bah, signé, ouais. Non. J'ai des cartes en top signées, mais pas de Melo. J'ai une carte de Melo signée, signées, mais j'ai pas de carte top Melo signée. Mais de toute façon, je crois qu'après, je sais pas si. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont récupéré la Panini à l'époque, l'exclusivité. Parce que là, c'est pareil, Tops récupère l'exclusivité. Donc, il y a. Enfin, en tout cas, tu verras toujours des cartes en leaf, mais en fait, il n'y a pas les noms des joueurs. Il n'y a Ouais, ou pas des fois même non, non, il n'y a pas les noms les des équipes. équipes, voilà. C'est des jerseys Tu qui vas voir sont. le jersey de New York, mais pas marqué New York, quoi. Voilà. Bah, j'ai des cartes leaf, pareil, j'ai une carte de Jalen Brunson signée en leaf. Donc, elle est signée, tu vois, mais c'est un leaf. Donc, en fait, si tu veux, tu as le joueur, mais tu as son maillot, mais il manque le New York, tu vois, c'est marrant. Ça fait un peu curieux, quoi. Donc, Bon. t'en auras toujours, mais Panini en tout cas en NBA, ça c'est terminé, c'est top ce qui a lancé le truc, quoi. Qui a repris la main à un fabricant américain, là où Panini, on est plutôt sur une société historique basée en Italie. Oui. Marqué. Rien à voir avec le sandwich que vous pouvez trouver des fois Non. toasté. Mais voilà, c'est Tops qui prend la suite, l'exclusivité. Alors je ne sais pas pour combien d'années le deal a été signé. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est Je 10 sais ans? Ça fait pas. quand même un paquet d'années que Panini Ouais. avait Ouais. été. Le fournisseur officiel, à voir ce qu'ils vont proposer. En tout cas, le lancement a été effectué par différents événements dans les NBA Store un peu partout dans le monde. Il y en a eu également aussi un événement au NBA Store à Paris et à New York, NYC, Big Apple, le shop que l'on connaît bien pour s'y rendre régulièrement à tous nos voyages quasiment. Hein, c'est un passage obligé pour tout fan amoureux de basket, NBA et des Knicks aussi, même si j'avoue, je trouve plus souvent des affaires à mon goût dans les boutiques du Garden. Et donc là, on avait notre triplette, un Big Three composé de Karl-Anthony Towns, Josh Hart et OG Anunoby, notre bon vieux Ogugua, qui était là pour couper du cordon, ouvrir c'est pas des boosters, si c'est comment on s'appelle ça, des packs, Alors, des pochettes. moi je suis un passionné de cartes, mais c'est vrai que les termes des trucs, je les maîtrise pas du tout, quoi. Voilà. Bon, ils ont ouvert Ils des ont sachets, des sachets. des sachets, alors ils ont ouvert des Des cartes. sachets, des petits sachets, des pochons. Et cette et Karl Anthony Towns a chopé une autographe de Cooper Flagg, quoi. Donc autant te dire que bon, c'est quand même une La main carte. chanceuse. Ouais, c'est quand même une carte qui va un petit peu se payer, quoi. Donc Prendre c'est de quand la même. valeur à être recherchée, donc. Ah ben une carte, ouais, quand même c'est le rookie qui va sûrement être. Enfin, c'est un des rookies le plus attendu de ces dernières années, quoi, avec Wembanyama. Cooper Flagg, c'est pareil, on en a entendu parler depuis un sacré bout de temps, lui, maintenant. Donc ouais, la main chanceuse, ouais. La main chanceuse pour Karl-Anthony Towns lorsqu'il faut ouvrir des paquets de cartes. Est-ce qu'il a eu la main chanceuse dans des matchs? On va en parler dans quelques instants. Il y a une autre nouveauté côté Knicks. Et oui, cette saison, nouveau coach, bon, on sait, des nouveaux joueurs, ok, peut-être des nouveaux maillots, des nouveaux parquets, certes, mais maintenant, une nouvelle célébration post-match, post-victoire. Ça se passe dans les vestiaires. Et les photographes sont présents pour décerner bah voilà, le trophée du meilleur défenseur du match. Alors bon, on l'a vu deux fois sur les matchs à domicile. Je ne sais pas s'ils le feront beaucoup à l'extérieur. En tout cas, ça n'a pas été le cas cette semaine. Et le meilleur défenseur se voit attribuer un casque de chantier avec un petit logo d'Enix, un gilet orange. Parce que voilà, t'as bien travaillé et une bonne paire de Timberland, parce que c'est New York et c'est comment dire, le style new-yorkais par excellence. Une bonne paire de Teams, et voilà, ça récompense le bon vieux travailleur de l'ombre, le bon vieux défenseur, OG Anunoby pour le Game 1, Jordan Clarkson, oui, pour le Game 2, et ça nous a fait des photos Pourquoi plutôt pas? sympathiques. Pourquoi pas, hein? Il y avait des distributions de chaînes dans d'autres équipes, voilà, pour les chiens de la casse qui ont défendu dur, Il y avait le Light the ballon du Beam match. à l'époque de. Ouais, ça c'était dans une salle du côté de la Californie, mais ils sont À vite l'époque de arrêtés Mike Brown. ce délire. Voilà, c'est une petite célébration qui va nous faire des photos plutôt sympathiques, à voir qui aura le plus souvent cette paire de Teams au pied en sortie de match. Mais voilà, c'est plutôt sympa de voir d'avoir ça. Ça permet aussi de souder le groupe et puis de mettre en Ouais, avant la c'est pas défense. mal, ça fait une sorte de Donc team building, c'est voilà. chouette voilà, de se regrouper autour de quelque chose comme ça. Non, moi je trouve que l'initiative est sympa, ça rajoute un petit quelque chose. Comme tu dis, hein, ça fédère un peu, ça peut fédérer un groupe, pourquoi pas, écoute, moi je trouve ça sympa. Allez, de retour, il y en était un autre, c'était sur les antennes, et oui, sur les antennes de Amazon Prime, oui, Prime Video. On le savait, les droits de la NBA étaient un petit peu splittés, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Hein. Sur le sol américain, il y a le retour de NBC, il y a tout un tas de diffuseurs historiques. Et ça a tardé du côté de nos amis de Bein Sport. Bein Sport qui est diffuseur de la NBA depuis 2012. Hein. Ça commence à faire quand même un bon paquet d'années. 13 ans, on avait eu la chance de se rendre avec Laurent et avec Vincent dans les locaux de Bein Sport il y a un paquet d'années pour la rencontre de Frank Ntilikina à son retour de saison rookie. Ça date, hein, c'est une autre époque, hein. On parlait pas de titre NBA, on parlait pas de Mike Brown non plus aux Knicks, on parlait pas de contender, on parlait de toute autre chose quand on parlait des Knicks. On avait la chance de se rendre dans les locaux de NBA Extra à l'époque, et oui, c'était toujours, ça s'appelle toujours NBA Extra. Ils ont changé de studio depuis, très grand studio. Il est classe, hein. Studio à l'américaine, là, c'est immense. En termes d'écran, on a ce qu'il faut. Alors qu'il y a des cartons qui tombent chez moi, dans mon studio. Un studio immense. Et puis maintenant, une émission NBA Extra qu'on peut retrouver également le dimanche, donc du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Il y a le débrief de l'EWI NBA, donc plutôt sympa. Par contre, en termes de programmation, il faudra jongler entre les matchs sur Bein Sport et sur Amazon Prime, Prime Video, pour pouvoir suivre les matchs en direct avec des commentaires en français. Il y a toujours le NBA League Pass, hein, et puis nos résumés le lendemain de match. Mais voilà. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir retrouver cette émission quotidienne de NBA. On est d'accord ou pas d'accord avec les avis, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a une couverture qui repart pour quelques années avec Bein Sport. Bon, ça c'était la reprise. Maintenant, on va parler des matchs. Hein. Il y avait 3 matchs au programme la semaine dernière, 2 matchs à domicile, et ça nous a permis d'avoir une belle présentation des joueurs. On l'a dit, nouveau jingle d'entrée aussi sur les écrans géants. Une présentation complète du rooster. Oui. Même les joueurs qui étaient blessés, à savoir Mitchell Robinson et Josh Hart, ont fait leur petite entrée entre les pom-pom, les Knicks City danseuses. Et voilà, l'animation, la Knicks Squad, je crois, c'est ça. Ouais. Et puis, on a pu avoir un premier match face aux Cleveland Cavaliers, une équipe qui est annoncée comme le rival des Knicks dans la conférence Est. Une équipe qui était démunie de Darius Garland et de DeAndre Hunter. C'est DeAndre, hein, le prénom. Ouais, c'est DeAndre. Sur le prénom en le disant. Un petit peu d'absence. L'absence de Mitchell Robinson aussi et de Josh Hart, c'est des éléments clés de la rotation, du moins on l'espère, des Knicks cette saison. Et un 5 de départ avec Ariel Hucporti. Enfin, Cocorico, non, Dutch Kalitan. Oui, parce que... le pivot sophomore qui fait sa première titularisation. Il n'avait pas été du tout titulaire, je crois, la saison dernière. Aux côtés de Karl Anthony Towns, ça pouvait laisser entendre dire qu'il allait avoir une association de big men cette saison, selon Mike Brown. Il fallait jouer face à Jarrett Allen et Mobley. Donc, bon, ça pouvait être une bonne idée. Après, les minutes de notre bon vieux Ariel Huck. Bon, vous de voir comment vous voulez le surnommer, c'est 18 minutes. Hein. C'est le plus petit temps de jeu chez les starters. Il y a 3 fautes et des stats qui sont, on va dire, assez anecdotiques. Mais ça a permis peut-être de mettre l'Enix sur un bon ton. Quoique le début de match était un petit peu plus compliqué. Quoique. Et les Knicks se sont fait plaisir, en tout cas, ça s'est régalé, ça a joué collectivement. On a 5 joueurs à être en double digit à l'issue de cette rencontre. Faut noter aussi 15 points en sortie de banc de Miles McBride. Il était en forme en pré-saison, il est en forme en ce début de saison mal, aussi. Hein. Ouais, il est bien. Hein. Il est bien. On le disait la saison dernière quand McBride performe, score plus d'une dizaine de points, les Knicks s'imposent la plupart du temps. Là, il garde un rôle en seconde unit, du moins sur ses débuts de match, sur ses débuts de saison. Et c'était plutôt intéressant de le retrouver aussi. C'est lui le meilleur scoreur du banc. Et défensivement, bien. Hein. Défensivement, il a été bien aussi. Sur Donovan Mitchell et tout. On est sur un petit gabarit, mais ça collait bien avec le backcourt adverse aussi. Hein, un backcourt adverse qui était démuni de Garland, donc ça change aussi quand même la donne. Une marque plutôt répartie et un meilleur marqueur en la personne de OG Anunoby. 24 points en 38 minutes. C'est beaucoup 38 minutes, dis donc. Non, on va pas parler minutes en ce début de saison, ou alors plutôt dans le bon sens. Mais là où ce qui m'a fait surtout plaisir, moi, sur OG Anunobi, c'est les 14 rebonds. La saison dernière, oui. Je le disais assez régulièrement, en poste 4, c'est un poste un petit peu contre nature pour lui. Voilà, là, il a pas ce sens là, du rebond. Il a remis un peu en 3. Et bah 14 rebonds, ouais, ouais, ça couvre pas mal l'absence d'un Mitchell Robinson. Un Mitchell Robinson, pas de match joué hein, pour ses trois premiers matchs. Il est en load management, non pas load, work management, workload management. Oui, alors workload, quand tu joues jamais, bon. tu manages joue beaucoup pas, là, dis donc. Il joue pas. Mais, il y a trop de termes, il y a trop de termes pour dire qu'il joue pas. Ouais, c'est ça, c'est du DNP. Il a fait quoi, un seul match de pré-saison. On nous disait pas qu'il était blessé. On nous a dit qu'on allait gérer les minutes, qu'il allait pas avoir de back-to-back. Ouais, mais là, c'est même pas une histoire de. Alors, visiblement, je crois que gérer les minutes, c'est de lui faire jouer un match par mois pour vraiment, tu vois, qu'il arrive frais en play-off. Ouais. Donc, je vais essayer de calmer mon agacement je pense qui était que latent même, de Mitch. Mais quand je même. Pense que même à ce niveau-là, il arriverait à se blesser si tu faisais jouer qu'un match par mois. Bref, donc on va pas tirer sur une ambulance, mais bon, Mitch, on l'a pas eu de la semaine, on ah sait puis, pas quand on va revenir. On tire pas sur l'ambulance de Mitch, parce que sinon, il y a plus personne pour venir le chercher, quoi. Et Josh Hart, qui était blessé, qui s'était blessé en pré-saison, on avait des doutes sur la tenue de match pour OG et pour Karl-Anthony Towns. Bon, Karl-Anthony Towns, c'était pas son meilleur match. Il termine tout de même à 19 points, 11 rebonds, mais voilà, les pourcentages sont un peu poussifs. Bah, visiblement, il est blessé au dos. Enfin, il était pas voilà, dans le meilleur de sa forme, mais il était présent. Il nous fait quand même 31 minutes pour ce match de reprise. Un Jalen Brunson qui était en délicatesse sur son shoot externe. Hein. Ouais. 1 sur 9 à 3 points sur ce match-là. Bon, on sentait que c'était une reprise. Ouais. Bon, 23 points tout de même. Mais voilà, un petit Michael Bridges à 16 points. C'est correct, avec 6 passes et 5 rebonds. Bon, voilà, il a produit dans différents secteurs. La reste à 3, 1 sur 3, c'était pas foufou. Et puis, voilà, en termes de starter, en termes de stats, le banc qui se résume à pas mal de joueurs quand même. On a un Gershon. Bon, on en parlera un petit peu. On a le banc, un Jamison le 3 qui a joué le ce match. Clarkson qui a joué aussi, qui a arrosé. Hein, c'est son métier d'arroser le garden. Chamet qui joue. Eh bien oui, Chamet, on l'avait oublié dans notre seconde unit la semaine dernière. On pensait pourquoi pas à Pacom. Enfin, moi, je me suis dit peut-être que. Bah non. On a oublié Landry. Il y a deux DNP dans ce match. Cocorico. Double. Un pour Mo qui a signé son contrat, mais pas pour jouer. Félix, pas un contrat de joueur. C'est un contrat. Et un pour Pacom Dadier qu'on a essayé de faire monter sa cote en pré-saison, mais les poissons n'ont pas mordu à l'hameçon. On n'a pas trouvé de fiche, comme dirait Billups. Donc là-dessus. Oh. Donc là-dessus. Elle était fine celle-là. Elle était belle. Et bon, bah, du coup, bah, il est là. Écoute, il supporte l'équipe. Il est là. Il faut des joueurs sur le banc pour passer le Gatorade. Et bien voilà. C'est une façon d'apprendre. On a parlé de ça, que c'était vachement important, l'hydratation. Tu vois, t'en parlais tout à l'heure. Tu vois exactement les muscles, tout ça. On évite les contractures, on évite les. Tu vois, ça s'attire pas, voilà. Donc là, voilà, c'est important, tu vois, de passage à droite, à gauche. Non, on est méchant. C'est vrai que bon, écoute. Il vaut mieux en rire en ce début de saison. Il y aura des joueurs qui vont être testés. Là, c'était le cas pour Jamison de Third, qui s'est plutôt bien illustré en termes de pivot backup. Alors après, c'est 8 minutes. Il s'est illustré. Il était présent, je veux dire. C'est 8 minutes et 2 rebonds. Hein. Il n'y a pas d'autre ligne de stats. Il n'a pas shooté. Il n'a pas passé. Il n'a pas fait de faute. Il était là. Il a le droit de kiffer. Il a eu le mérite d'être là. Il a son petit patch sur son maillot pour l'ouverture de la saison. Par contre, un joueur voilà, qu'on ne savait pas trop quoi attendre de lui cette saison, et avec la retraite de Malcolm Brogdon, on s'est dit peut-être qu'il y aura une ouverture. Eh bien, d'ouverture, il y en a, c'est Tyler Colec. Ouais, bah ouais. Il joue 14 minutes, clairement en relais de Jalen Brunson. Bien sûr. Je sais comment il s'appelait, ce joueur qui porte le numéro 11, là. Comment c'est déjà ce mec-là. Comment s'appelait celui qui fait ça, là, vous savez. Jalen Brunson, eh ben, en relais, Tyler Colec, voilà, 14 minutes, typiquement au moment de du second quart. Il aime bien Mike Brown, hein, tout comme il le fait jouer. En dessous des Il le fait luttes de jouer saison, régulièrement. il le fait jouer. Ça a l'air d'être l'option, le backup, le meneur backup. On verra après quand la saison va avancer. Mais en tout cas, voilà, 7 points. 7 points, c'est pas mal. Des pourcentages qui sont corrects et un peu de passe, un petit peu de rebond. Voilà, une présence qui a été intéressante. Et puis, il joue pour les autres. On est sur un meneur gestionnaire qui va quand même se forcer à essayer de prendre ses responsabilités et ça lui réussit plutôt bien. Mais il a Donc cette faculté à voilà. finir au cercle, hein, et donc il a un petit Oui. shoot à 3, il a cette faculté à Après, il n'est finir pas au cercle. très grand, donc ça peut lui jouer des tours face à Ouais, des bon, ça c'est protecteurs pas. de cercle comme Mobley ou. Ouais, mais ça c'est pas un Voilà. problème, on en connaît hein, des petits meneurs comme ça qui vont se frotter. Et je crois qu'il est pas guère plus petit que Jalen, hein. Un petit peu. Non C'était mais, l'année dernière oui, quand j'avais regardé, il non a mais, 3 cm, ouais, quoi. ce que Voilà, j'allais c'est te dire, c'est pour ça que je une te dis, épaisseur de semelle. pour ça que je te dis, il est pas guère plus petit, tu vois, il lui rend pas, tu vois, je pense qu'il se regarde dans les yeux, quoi, tu vois, donc, Il porte la même taille de maillot et peut-être de short, bref. Mais quoique le short de JB doit être plus large parce que bien habité. Voilà. Il l'a montré en playoff. Il l'a montré en playoff et la saison dernière, Clutch Player of the Year, c'était pas pour rien. Donc, un bon match de reprise parce que l'adversité était intéressante, même si elle n'était pas complète. On a vu un duel à un moment donné un peu avec Donovan Mitchell, Spida qui voulait Deuxième prendre le match mi-temps, à son deuxième compte. mi-temps, ouais. Deuxième mi-temps, Spider s'est Ouais, réveillé. il a senti que c'était son moment qu'il fallait, qu'il porte l'équipe. Il l'a fait. Hein, et on n'a pas trouvé de solution vraiment pour l'empêcher de marquer. On voit que c'est quand même des joueurs qui sont d'un calibre autre, qui, quand ils décident de prendre le match à leur compte, Ouais, décident d'aller marquer des points, des paniers, ils savent le faire des dans tous purs les registres. attaquants, c'est des purs attaquants. C'est beau à voir jouer. En ce début de saison régulière, un peu partout dans la ligue, on voit qu'il y a des cartons offensifs. Les défenses ne sont pas complètement prêtes, ajustées, les rotations, les switches. Voilà, c'est délicat. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match d'ouverture? Bah, comme tu dis, un match. On a vu les role players donc autour des deux stars être plutôt bons. On a vu Amical qui sur la première mi-temps a fait une masterclass. D'ailleurs, il score, je crois qu'il score 12 ou ouais, je crois que c'est 12 points sur la première mi-temps. Après, un peu moins, mais sur la première mi-temps, en tout cas, il score beaucoup. Il fait des interceptions. Enfin, vraiment une grosse activité. OG, c'est le diesel. Qui va commencer au fur et à mesure, il va chauffer et puis après il va trouver son rythme et puis il y arrive. Voilà, nos deux stars ont été un peu plus empruntés. Le banc a eu des difficultés, mais ça c'est la constante hein, sur ces trois matchs. Pour l'instant, un banc qui a du mal à connecter, qui a du mal à trouver sa place. Un Gershon qui est un petit peu en mode je suis là, mais. En attaque, je me positionne, mais je ne reçois pas les ballons. En défense, je suis un peu ciblé, mais j'essaye. Clarkson, qui a aussi des difficultés avec son shoot, c'est quand même nos deux gros recrues. Et c'est vrai que Clarkson, bon, Clarkson aussi a une utilisation un peu bizarre. C'est-à-dire que, alors, tu as un Jalen Brunson qui va jouer l'entité du premier quart. Clarkson va jouer le début du deuxième et le début du quatrième, mais on le voit pas sur le 1, on le voit pas sur le 3. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué des rotations des Mike Brown, ça peut changer. Et puis un Mike Brown, un Juice qui nous a fait kiffer. Moi, j'ai kiffé le match de Juice. J'ai beaucoup aimé son activité défensive. Mais ça, on sait que L'intensité c'est défensive, c'est on sait sa que c'est un qualité aussi. petit, c'est un petit, c'est un petit dog quoi. C'est un petit qui va pas lâcher. On se rappelle de la série contre Philadelphie il y a 2 saisons où il y a eu sur un match, il y a eu cette bagarre, enfin, cette bagarre entre guillemets avec Tyrese Maxey hein, où il s'était révélé bien. Et d'ailleurs les ont une grande confiance en lui et c'est un joueur qui ne souhaite pas échanger. En tout cas, il y a eu son nom qui avait circulé, mais beaucoup d'insiders avaient dit au sein de la franchise, on l'aime beaucoup. Donc Ah, et puis le contrat est petit, donc ça coûte pas grand-chose et ça rapporte plutôt parce que là en ce moment il est un peu un sentiment d'être libéré aussi, d'avoir comment dire moins de charges offensives sur ses épaules en sortie de banc parce qu'il y a aussi d'autres collègues Bien en la sûr. personne de Clarkson qui sont là pour apporter des points. Donc j'ai l'impression de le trouver un peu plus libéré et voilà, Et il d'ailleurs, arrive sur ce peut-être aussi à match-là, maturité. sur ce match-là, au plus minus, c'est lui qui est devant haut la main avec un plus 17. Tu vois, donc, non, non, donc non, non, ça montre bien quand même son importance dans ce match. Et puis voilà, tu l'as dit, Tyler Collect, sympa. Je suis content que ce joueur commence un petit peu à jouer. Je pense que si il arrive à avoir la confiance, ça peut être un petit poil à gratter quand il rentre sur le terrain, parce que c'est quand même quelqu'un qui est ami avec le ballon. On voit bien qu'il n'a pas des difficultés à trouver Il sait dribbler. Landing, c'est pas un souci. Il s'est dribblé, il s'est trouvé des espaces, il s'est trouvé des passes, il s'est trouvé des mecs. Machin. Ça, ouais. Donc non non sympa, voilà, juste pour l'instant sur ce début de saison, c'est vraiment ce banc. Après c'est normal, hein, je veux dire, on a quand même beaucoup de joueurs qui se découvrent, mais c'est ce banc qui pour l'instant manque encore de véritable connexion, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut, on peut trouver des motifs de satisfaction sur le banc, et on l'a dit, Colec et McBride. Mais voilà, c'est pas encore un banc qui est à pleine possession de ses moyens dans son jeu collectif. Ils vont se trouver. Clarkson, moi j'ai lu des choses et j'ai vu des choses, et effectivement, on sait à peu près à quel type de joueur on va avoir affaire. Et voilà, il va chercher à scorer, il va chercher à porter du point en relais aussi, et sur ces moments que sont le début deuxième quart et puis le début de quatrième. Ça va être un petit peu le roller coaster avec Jordan Clarkson, à savoir, il y a des moments où quand ça va tomber dedans, on va dire, ah ok, c'est le feu, il peut nous apporter cette étincelle. Et puis il y a des fois où il va passer à côté. C'est pour moi, je fais le parallèle avec Alec Burks, quoi. C'est-à-dire que des fois, Alex Burks, quand c'était un shoot first, comme Clarkson, c'est un mec, quand tu le fais rentrer, tu sais qu'il va t'amener des points. Après, à quel niveau il va t'amener des points? Il avait peut-être plus de maniement de ballon, Alec Burks. Pas pour dire qu'on l'avait positionné en tant que meneur à un moment donné, quand Kemba Walker était sur la touche. Mais voilà, il avait peut-être un peu ce côté... ils n'ont pas tout à fait le même jeu, mais ils ont un côté, orienté vers se créer des shoots, se créer leur shoot. Vers l'offensif. Et que quand t'avais la chance d'avoir un match, justement, à l'époque, un Burks game, on va dire, et là... Tu sais que l'équipe, elle était presque intouchable, que ça finissait en blowout, parce que quand t'as un mec sur le banc qui te rapportait entre 25 et 30 points sur un match, ça arrivera avec Clarkson. Ça arrivera avec Clarkson qui sera hyper chaud. Je fais confiance à McBrown là-dessus de le faire jouer. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais je pense qu'on l'aura, ce match. On les aura. Je pense qu'il y en aura plusieurs. On les aura, ces matchs. Maintenant, voilà, pour l'instant, il faut que... Il faut que ce banc trouve des automatismes. C'est pas évident, c'est normal après. Hein, on n'est qu'au bout de trois matchs, mais c'est vraiment souvent là que les équipes reviennent. C'est quand on a notre banc qui est présent, quoi. Ouais. Bon, j'ai pas les images du match de Boston. Il y a eu un match tout de même. C'était plutôt parti pour être un bon vieux blowout. Côté Boston, les Celtics, ça va être compliqué cette saison. Et finalement, ils se sont accrochés, ils sont revenus en fin de rencontre. Plus 20 à la mi-temps. Ouais. C'était pas forcément le match plus plaisant. J'ai pris plus de plaisir à voir le match face aux Cavs que le match face aux Celtics. Ça va être une saison compliquée côté Boston. Sam Hauser incroyable, du côté de Boston. Sam Hauser et son bras, là. C'est lui qui ramène un peu les Celtics dans la rencontre. Les Knicks, peut-être aussi, qui se sont vus peut-être trop beaux, trop vite. Je sais pas sur ce match. On avait un 5 de départ qui était différent. Ouais. Eh ben oui. Cette fois-ci, pas de Hugh Portu, parce que à quoi bon mettre des big men quand il n'y en a pas en face? Non. McBrown a décidé de mettre McBride. Hugh Portu et Jamison out. D'ailleurs, Jamison était en tenue civile et Hugh Portu et DNP. Et puis, donc un McBrown qui rentre dans la rotation, enfin en tout cas qui rentre dans le 5, pardon. Et du coup, et un temps de se repositionner en pivot. Et un Yabusele, positionné en pivot. En relais de Towns. Bizarre. Écoute, il teste des trucs pour l'instant. Il y a une certaine forme de je m'adapte à ce que va proposer l'équipe d'en face. Donc, est-ce que c'est une constante qu'on aura dans la saison, ou est-ce que c'est là juste l'expérimentation Hugh Portu qui n'avait pas été très convaincante? Bon, spoiler, on l'a retrouvé Hugh Portu sur le match face au Heat. Mais McBride dans le 5, pourquoi pas? Effectivement, on avait un back court petite taille, mais compensé en termes de défense par rapport à JB avec McBride. McBride qui a été moins en réussite au shoot, mais qui a quand même produit quand même une dizaine de points. On a tous les starters qui sont à 10 unités sur cette rencontre. Pas de Mitchell Robinson, vous l'avez compris, mais un Josh Hart qui revient. Donc Josh Hart, un plaisir. Sortie de banc, Bon, il s'ajustait aussi à sa reprise. En termes de shoot, c'était pas ça. En termes de rebond, 14 rebonds en 19 minutes. Meilleur rebondeur du match, Josh, quoi. Voilà, quoi. Voilà, sortie de banc, meilleur rebondeur. Il mesure combien? Moins de 2 mètres. Bravo à lui. Voilà, il saura briller dans un secteur si c'est pas dans un autre. On a Brunson qui termine meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points. Bien secondé par un Karl-Anthony Towns à 26 points, 13 rebonds. Bon, il savait pas trop ce qu'on attendait de lui en attaque, mais il s'est toujours attaqué quand même, le gros chat, le cat. Voilà. OG, 10 points, un petit peu plus en retrait. À un moment, il se fait peur, il se fait mal. On se dit, ah, il s'est blessé. Non, c'était que des crampes. Sauvé. Donc, 29 minutes Ouais, de temps de jeu. il a pas joué le reste du le quatrième quart. Hein, Ouais. Bon, après, à quoi bon forcer quand l'équipe, normalement, était un peu en train de dérouler? Donc, tant mieux qu'on n'a pas tiré sur la Mais corde vis-à-vis d'Oji. tu fais un deux dans ce match-là, c'est quand même assez étonnant parce que tu gagnes un quart-temps sur trois, mais tu le gagnes d'une telle manière que ça te donne une avance définitive. Ouais. Mais ce match était assez bizarre, c'est-à-dire que quand même, tu vois, regarde, au niveau des cartons, 30-22 pour le premier, 21-18 pour le troisième et 30-23 pour le quatrième. Mais tu fais un 42-14 sur le second et en fait tu mets un tel écart qu'ils reviennent jamais. Mais étonnant quand même, tu vois, ces montagnes russes là comme ça, ouais, C'est le début, c'est le voilà. début. C'est difficile de tirer des conclusions. On va pas se permettre de faire des conclusions, Ah, déjà, non. que ce soit dans une équipe ou comme dans une autre, vis-à-vis des Celtics comme vis-à-vis des Knicks. Mais oui, il y a eu un petit retard à l'allumage. Je serais tenté de dire que les Celtics ont tenu un quart-temps et en même temps non, parce qu'ils sont revenus un petit Eh peu sur la ouais. fin. Ils ont semé un petit peu le doute. Ça a redonné un peu d'enjeu sur le match. Bon, il n'y avait pas de revanche par rapport aux playoffs de la saison passée. On a eu aussi le petit moment où Jaylen Brown va essuyer ses cheveux sur le jersey de OG. Tiens donc, tu n'aurais pas mis un petit peu de teinture dans tout ça? Très très curieux. Mikal, qui est un petit peu plus discret, on va dire, en Ouais. production offensive. Mais au-delà de cette production offensive de Mikal, ce que je note un peu plus, moi, sur ce début de saison, c'est que Mikal porte plus souvent la balle Oui, en il la remontée. monte, ouais, il décharge le Jalen On Brunson demande là-dessus, ouais. moins à Jalen Brunson de faire tout sur le terrain, quoi. On sait Exactement. que Jalen Brunson, il aura le ballon dans les 20 dernières secondes, mais sur les premières pour la remontée de balle, ça peut être Mikal qui vient le soulager un petit peu là, à ce moment-là. C'est pas plus mal. De là à se traduire tout de suite dans la production statistique, c'est pas forcément le cas. En termes de banc, bah, c'est voilà, encore 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui sont utilisés. Collecte, 13 minutes. Bon, production statistique 2,4 passes et une faute. Clarkson qui score le plus du banc avec 6 points. Ouais, non. Voilà, en 16 minutes. Bon, bah après, c'est pas non plus fou en termes de volume de jeu. Yabou, c'est 3 points, 5 rebonds. Heureusement qu'il y a les rebonds. Une petite passe, voilà. Et puis Josh Hart, 2 points. Et Chamet, 3 points. Bon, voilà, on n'a pas une grosse production du banc sur ce match, mais Non, c'était pas c'est pour ça, nécessaire non mais plus. c'est la tendance de cette semaine, hein, Ouais. ce banc qui produit pas. Enfin, en tout cas, en termes de points, je parle. C'est un peu la tendance, quoi. Donc, ils mettent de la volonté, hein. Il y a Oui, de l'énergie. l'énergie est là, c'est brouillon par moment, l'adresse pas au rendez-vous. Et quand on parle d'adresse, bah, ça peut nous permettre de basculer sur le match 3 de cette semaine. Les Knicks étaient invaincus, 2-0. Mike Brown n'avait pas connu de défaite en saison régulière. Et ben voilà, premier déplacement, bah, première Patatras! défaite. Voilà, tout tombe à l'eau. Voilà, les Knicks ne seront pas champions. Voilà, Allez, c'est confirmation. bon. Ouais, bah moi je. Allez, hop, on pète tout. Moi je. Gershon, c'est une Bouton mauvaise rouge. signature. C'est Sonics, les Français, ça marche pas à New York. On vous l'avait dit, mais vous voulez pas Content de jeu. comprendre. Types assassins. Ah non, merde, il est plus Et ben en tout cas, sur ce match face au Miami Heat, ça a été plus compliqué. On a 37 minutes pour OG, 37 pour Mikal, on a 36 pour Cat, on a 35 pour JB. Hugues Porty revient dans le 5, mais joue 10 minutes pour bah, 0 points, 2 fautes, 2 rebonds, 1 passe. Voilà. Est-ce que c'était la bonne solution? Faut croire que non. Sur le banc, eh ben, on va retrouver du Josh Hart qui va jouer plus. Hein. On a 29 minutes en temps de jeu pour Josh Hart. On n'a pas un triple-double, un triple-double pauvre. On a 6 points, 5 rebonds, 5 passes. Voilà, c'est pas du triple-double, c'est du demi-triple-double. Voilà. Mais voilà, Josh Hart qui s'essaye de se montrer utile et efficace dans différents registres. Il finit le match, hein. Le 5 qui finit le match, c'est Kat, OG, Mikal, Hart, Jalen Brunson. Hein, donc c'est le 5 qui... C'est mon 5 de départ, mais qui finit et qui finit pas le game, enfin qui finit pas avec la win, quoi. Mais effectivement, on revient sur une combinaison, une formule qu'on a beaucoup connue la saison dernière. Par contre, c'est pas une formule gagnante. Et ce match a été agaçant parce que les Knicks étaient toujours derrière, à l'impression de pas réussir à imposer leur rythme, leur tempo, leur jeu... Voilà, c'est tout le temps le hit qui a été devant ou quasiment. Norman Powell qui a fait son match tout le long, quoi. Enfin, qui a scoré quand il avait envie. Je sais pas à combien de points il termine sur la rencontre, mais c'était voilà, l'homme à tout faire lorsqu'il fallait chercher des points. Il finit à 29 points. À 29 côté points. Hit. 12 sur 12 au lancer franc. C'est quasiment lui qui est allé chercher 7 rebonds. 7 rebonds, 3 passes, 3 vols de balles. Aïe, aïe, aïe. On connaît les qualités de Norman Powell. C'est une belle recrue pour le Heat, mais bon, on verra la saison puis, du Heat. Et puis sur les 9 points, sur les 9 points d'Andrew Wiggins, et sur son 1 sur 4 à 3 points, il y a ce 1 qui est le dagger, la dagger de fin de match, alors que les Knicks sont en train de pousser et qu'ils sont en train de revenir à comeback, ouais. Et ils sont en train de revenir à 5 points, le momentum est en train de changer, on a fait des interceptions, on est arrivé à marquer des gros 3, Jalen est en train de se lancer et il y a ce gros 3 points d'Andrew Wiggins à 1 minute 30, 2 minutes de la fin qui fait très mal à la tête et quasiment après d'ailleurs sur la possession suivante t'as 4 qui fait un écran en mouvement débile et puis ça y est après Josh aussi qui fait un écran débile et après on se bat dans le pied sur la fin et on repart à plus 10 et c'est terminé et c'est dommage parce que ben on s'est réveillé bien trop tard, l'intensité avait changé bien trop tard. Et ce 3 de Wiggins, tu as senti que celui-là, quand il est tombé, il a pesé une tonne et demie sur la tête de nos joueurs, quoi. Après, est-ce qu'on méritait de gagner ce match? Pour moi, non. Parce qu'on a été un petit peu léger sur trop d'aspects. On a shooté à outrance à 3 points. Ah, ouais, 15 bah sur ouais. 54, ouais, ouais. 53-54. Alors oui, Mike Brown veut un jeu où plus de pace, plus de shoot rapide, un jeu orienté plus vers l'attaque, certes. On a des joueurs qui doivent l'aider, le permettre, mais ben voilà, on n'a pas fait les stops qu'il fallait plus tôt dans la rencontre, on n'a pas réussi à s'imposer. Les rotations, est-ce qu'on n'a pas remis Jalen Brunson un peu tard sur ce match? Oui, il faut le ménager, tout ça, il a 35 minutes de temps de jeu. Il porte l'équipe à un moment donné, hein. C'est lui qui marque tous les points. Le patron, au début du troisième, là, si on n'a pas JB, on est début du, vite largué. Début du troisième, et puis dans le quatrième, il carbure quoi, aussi. Donc, ouais, 37 okay. points pour lui. Alors, c'est vrai que son 5 sur 11 n'est pas beau à 3, mais la deuxième mi-temps est nettement meilleure que la première. Quoi. Et ouais, bon, bah écoute. Est-ce qu'il vaut mieux un 5 sur 11 de JB qui termine à 37 points ou un 4 sur 12 de OG qui termine à 14 points? Ah, il est sale là, il est sale ce 4 sur 12. Ah, il est sale, parce que pourquoi t'arroses autant? Voilà, après, Karl-Anthony Towns, c'est pas beaucoup mieux, hein, 2 sur 8. Hein, donc, non, mais Towns, ça 18 rebonds, bon, hein. Certes, mais ouais, 15 points. Mais alors, à chialer, à machin. Ouais, puis il s'impose pas dans la raquette comme il aurait dû, clairement. Alors, il y a du Bam Adebayo qui est un joueur qui est réputé pour ses qualités défensives, certes, mais bon, il y a moyen quand même d'essayer de Et notre banc, 0 sur 4 de Gershon, 0 sur 4 de Jordan Clarkson, 0 sur 2 de Josh Hart, 0 sur 4 de Landry Shamet, 1 sur 4 de Tyler Colek. Ouh, le meilleur shooter du banc, c'est Colek, à 3 points. Ouais, il y a un problème là. Et le banc, tu regardes le plus-minus. Alors, t'as Mikal dans le 5 qui est à moins 7, sinon le 5 est en positif. Mais le banc, moins 15 de Gershon, moins 12 de Clarkson, alors plus 2 de Josh Hart, moins 9 de Shamet et moins 12 de Colek. Le banc, il nous fait perdre. Le banc nous fait perdre. Bon, on va arrêter de parler de ce match parce qu'on va arrêter d'en parler. On a perdu. Bilan de 2 victoires, 1 défaite. On pensait pas forcément une défaite face au Miami Heat cette semaine. Non, mais non. Mais bon, voilà, la NBA est surprenante. Surtout un début de saison peut être surprenant. Il y a des joueurs qui cherchent leurs repères, offensifs ou défensifs. Voilà, on a vu un début de rotation s'installer. On a Ouais. un début de starting five, voilà, qui sur deux matchs nous fait une paire d'intérieur. On a compris, je crois que Mike Brown, quand Mitch va revenir, tu as l'impression quand même qu'il se Il dirige veut vers un compter sur lui, ouais. ouais, qu'il se dirige vers un Karl Anthony Towns en 4. C'est enfin, en tout cas sur les deux premiers sur les trois premiers matchs, c'est la tendance Deux fois le cas, ouais. qui se dessine. Là, Josh Hart, je pense qu'il va rester quand même en sortie de banc. Je pense qu'il est très précieux dans cette énergie qu'il amène en sortie de banc. Et Quitte à finir les matchs. Quitte à finir les matchs. Ça, Ça, c'est voilà, pas un on problème, aura un ça. couteau suisse, un joueur à tout faire. Non, bien sûr. Donc voilà, Josh Hart a vite retrouvé ses minutes, son énergie. Oui. Voilà, en deux matchs, voilà, on retrouve du Mais Josh Hart. Alors après, avec des problèmes au shoot, mais ça, c'est pas nouveau. Il va être. pour l'instant, le poil à gratter côté Knicks, c'est ce banc qui produit pas, c'est ce banc pour l'instant qui Pas déçoit. constant, pas Alors, constant. ok, on est sur trois matchs, mais c'est vrai que pour l'instant, ce banc est assez pas inquiétant, c'est pas le terme, c'est peut-être trop fort, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est Gershon Il n'y qui a est pas une là, alchimie, une osmose. qui Il a manquait une McBride. Il Claxton, manquait McBride sur ce match. Et je pense que c'est un. pas neutre. Non, mais surtout dans un score, alors le score là, comme ça, ok, 107-115, on est revenu à un moment donné à moins 5. Ouais, mais t'es à moins 12, moins 13 aussi à un moment, quoi. Donc Oui, on a toujours été derrière. mais On je n'a jamais pense réussi que. Mais à ouais, trouver le rythme qui permet de recoller, quoi. déjà, peut-être qu'il aurait connu un déficient d'adresse comme les autres. Hein. Oui, Mais mais il. défensivement, sur Oui. Powell, on avait un joueur petit qui aurait pu traîner dans ses pattes. Il aurait peut-être donné des fautes, je dis pas. C'est Mais vrai voilà, on aurait que eu ce besoin défensif. non mais c'est vrai que tu as raison là-dessus parce que quand tu regardes on manque clairement là d'un défense là sur ce match-là d'un C'est le défenseur match où sur on les prend plus de externes points. parce que Chamette c'est pas un défenseur Clarkson c'est pas un C'est défenseur ça. Colec c'est pas un défenseur et c'est vrai que d'avoir un mec qui est toujours en train de te mordre les mollets c'est quand même embêtant et c'est vrai que McBride c'est là que tu t'aperçois quand même que ben, ce mec-là est important pour l'équipe quoi. Donc bon, peut-être est-ce que là dans un match comme ça, Diawara, tu vois, bon, je sais pas. Ça a arrêté sur des profils plutôt L, là où il y avait Ouais, peut-être un besoin de défendre dans le backcourt, mais quoi. t'aurais pu dans ces cas, tu vois, plus rediriger amical sur Powell. Enfin, bon. Et c'est pour ça aussi que Hart a eu du temps de jeu, c'est parce qu'il a apporté sa défense un peu en sortie de banc et essayé de compenser. Mais ça n'a pas été salvateur. Non, bon après que Bon, quand et t'as un au joueur qui final. marche sur l'eau, après c'est compliqué aussi. Ouais, et puis quand toi tu arroses et tu shootes à côté, bon bah voilà, c'est le match est plié, hein. C'est simple basket, hein. Faut mettre des paniers. Et quand ça rentre pas, bah ça devient tout de Il suite faut beaucoup plus compliqué. mettre plus que l'adversaire. J'espère qu'on n'en shootera pas 50 encore tous les soirs, parce que ça va être vite compliqué à Ah là, accepter. là Bon, c'est dans vrai que tout là, ça. le 15 sur 54, il est cracra. Ouais, très très très cracra. Dans tout ça, bah, on essaye de tirer un joueur de la semaine. Bah oui. Ben oui, il faut bien, parce qu'on reprend nos bonnes habitudes. Trois matchs, deux victoires, une défaite. Bon, qui est-ce qu'on pouvait mettre? On l'aime bien, Gershon, mais ça va pas être pour lui, hein. Il va falloir Ah, pas tout de suite, non. qu'il nous montre autre Bah, chose. Il est plutôt la cible déjà de critiques sur les réseaux et les réseaux américains. On va être patriote et pour l'instant, on va l'épargner. Gershon, tu nous dois un Gershon game, un petit Non, 10-12 mais points c'est là. ouais, non, mais si tu veux, c'est d'autant plus. Confiance en ton shoot, ça va rentrer. Moi, de mon côté, c'est d'autant plus, tu vois, embêtant. En fait, Gershon, c'est vraiment un joueur que j'adore, que j'apprécie. Vraiment, c'est mec, je suis fan en équipe de France, je suis fan de ce qu'il fait. L'état d'esprit est bon, l'engagement est bon, c'est un Ouais, bon gars en plus, quoi. quand il a signé au Knicks, je me suis dit, putain, c'est vrai que la rotation en 4, là, elle est nickel et tout, machin. Bon, en 5, je suis pas convaincu. Et ouais, ça me fait chier là, de le voir en galère, et ça me fait chier de voir que les Américains commencent à dire, ah, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Ouais, ça m'a. Chier quoi. Enfin, Non, mais allez, voilà. un Gershon, un petit match à 12 points en sortie de blanc là, avec des hauts Et pourcentages et puis tout. un ou deux contre, et puis un bon petit Tomar, et ça y est, ça repart. Donc, Et puis histoire de un Tomar dire. et ça repart. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais même après, hein, bon, ça, Gershon, parce que forcément, nous, ça nous touche en tant que Français. Mais même un mec comme Mais Clarkson, au-delà de il ça. est hyper décevant, quoi. Un mec comme Clarkson, moi, il me déçoit aussi. Bah, Hein. hyper décevant. Moi, je m'attends à des hauts et des bas. Je m'attends au haut débat de sa part. Pour l'instant, c'est débat. Il n'y a pas encore eu de haut, quoi. Donc voilà, on va leur laisser un peu de temps et on verra après pour juger. Mais voilà, McBride a été bon cette semaine. Manque de bol, il loupe un match. Colec, c'est une petite surprise intéressante. Ouais. Voilà, ça dépanne. Ça, c'est pas suffisant en tout cas. OG, très bon premier match. Mais bon, ça pêche un petit peu. Mikal, c'est un rôle. J'attends mieux, moi encore. Pour l'instant, c'est un. J'attends beaucoup de Mikal et sur tous ces matchs, c'est une super belle mi-temps. Et après, c'est timide. Hein. Après, ça disparaît un peu. C'est timide. Hein. Voilà. C'est trop tôt. 4, c'est pas suffisant. Il nous manquait un bon match de 4 sur cette semaine. Non, mais tu vois, c'est trop tôt. Mais Mikal, c'est le Mikal de l'année dernière, quoi. Pour l'instant, Pour l'instant, si ce n'est qu'il porte le ballon un peu plus. Oui, voilà. Mais voilà. Et donc, assez logiquement, eh ben, vous allez deviner, c'est notre Captain Clutch, Jimmy, qui va hériter de ce premier trophée de KNFTV Knicks of the Week. Bah oui, il y a quand même le match où il nous porte cette nuit avec 37 points. Il a fait quoi autrement du 23? Il fait combien sur le deux matchs face à Boston? Face à Boston, il fait 31 points. Ouais, il monte en chauffe, hein, notre ami. Ouais, Et 23, 31, 37, c'est quoi le prochain? Un 40 déjà là? 50. Un 50? Voilà, il va falloir se montrer et il va falloir peut-être ce qu'il faut pour faire gagner. Attention, parce qu'effectivement, si on est déjà JB dépendant dès le début de cette saison régulière, on a normalement un effectif qui doit apporter un jeu collectif encore plus créatif que la saison dernière. Si on est déjà dépendant de JB, c'est pas forcément très très bon signe. Donc, bon, après, on verra. Après, lui est au rendez-vous. C'est le franchise player après. Donc, oui. C'est-à-dire, qui prenne l'équipe en main et qui score dans toutes les équipes. Tu vois, tu leur enlèves Wembanyama au Spurs, c'est pas pareil. Quoi. Donc, Qui ça? Wembanyama, la Wembamania même en ce moment. Ah, j'ai pas entendu parler, non. J'ai dû louper un truc. J'ai pas suivi. Je sais pas qui c'est. T'enlèves Austin Reeves aux Lakers, c'est plus pareil. Hein. Les Lakers? Non, je vois pas. Non. Ok. Bon, c'est tout pour nous pour cette rétrospective. Bah, on va regarder ce qui se passe sur cette semaine parce que la midi ne fait que commencer. Les matchs passés, ils sont passés. De 1, c'est un bilan positif, mais. Est-ce qu'il se passe d'autres choses dans la ligue? Et puis, qu'est-ce que vont jouer les Knicks cette semaine? Une histoire de coupe, peut-être? Allez, c'est parti, on regarde le programme de la semaine. Eh ben oui, déjà, on regarde le classement. Et les Knicks sont plus premiers. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les Knicks surcotés, ils seront jamais champions. C'est pas notre année. Mode BasketX on. Eh bien non, une petite surprise. Bah oui, au début, tout en haut de la conf Est, pardon. On s'occupe pas de l'Ouest. De la conf Est, bah les Chicago Bulls, tiens donc. Ça incroyable. Alors, les Chicago Bulls, meilleure équipe de la conférence Est. Playoff direct. Waouh, qui l'eût cru. Bon, 2 victoires, 0 défaites. Hein. On va se calmer. Calmement, non. Je sais même pas contre qui ils ont joué, mais ils ont gagné en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah bah, bravo à eux. Quand on fera la rétro... On parlera des taureaux. Vas parler des taureaux. Est-ce que ça sent le taureau ou pas? Est-ce que ça sent le taureau? Ça sent le taureau par ici. 2 victoires. Ils sont actuellement les leaders. Dommage, si les Knicks avaient gagné, on serait les leaders. Mais bon, voilà, on a perdu contre le Heat. Suivi des Philadelphia Sixers. Tiens donc, Joel Embiid a joué, mais il se plaint parce qu'il joue pas assez. Bah ouais, mais bon, mec, toi, ta charge de travail, ça doit être un peu compliqué. Surtout, déjà, fais attention à tes genoux. On voit bien que c'est un peu complexe. Alors, il y en a 82 de régulière à faire. Alors ouais, il a scoré 20 points sur son dernier match, mais sur son premier match, c'est une catastrophe. C'est surtout ses genoux. C'est Rookie Vijay Edgecombe qui a plutôt cartonné sur son premier game. Meilleur scoring pour une opening night d'un rookie depuis Will Chamberlain. C'est dire, c'est fou. Non, le mec, même les LeBron, les Jordan et compagnie n'ont pas scoré autant que sur un Game 1. Donc bravo à eux. Ils avaient battu les Celtics en ouverture. Ils sont déjà en tête aussi avec le même bilan que les Chicago Bulls. Suivi. Des Hornets, tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Heat, bah ouais, forcément, les Knicks, et puis les Cavs, et là, voilà, on a le playoff direct. Suivent les Bucks, les Pistons, bah oui, tiens donc, une équipe qu'on attend, qui a loupé, qui a perdu sur un match, ça peut arriver. Les Raptors, déjà 1-2, les Hawks, 1-2, le Magic, bah ouais, aussi, 1-2, tiens donc, les Wizards. Et puis, 0 pointé pour les Celtics, les Nets et les Pacers. Et les Celtics, ça va jouer la loterie. 0 sur 3, les Celtics. Hein. 0 sur 3. Eux, le mauvais départ. Le tank pourrait après, sortir vite. Après, après, ils ont perdu beaucoup de monde à l'intersaison. Tatum est toujours blessé. Donc voilà, ils ont quand même des circonstances qui laissent à penser qu'ils vont, ils rebondiront. Peut-être que si à Noël, ils sont toujours en négatif et comme il faut, peut-être qu'à ce moment-là, le GM dira bon, allez, mais vous savez quoi voilà. Tout le monde au repos. Tatum, voilà, année blanche, retape-toi. On va chercher un first pick et puis ils auront un haut choix de draft. Ils auront encore une fois une chance incroyable parce qu'à chaque fois que eux aussi, est-ce qu'on parle des, on parle quand même des Spurs, mais il faut pas oublier que quand même Tatum et Brown s'est drafté chez eux. Donc voilà, ils choperont encore un top joueur et puis ça sera reparti quoi. Ça reprend petit pour un tour. Hein. Les Celtics sont inoxydables. Bon, voilà, en tout cas, c'est le petit aperçu du classement. On va pas forcément trop s'y attarder parce que pour l'instant, avec 2 ou 3 matchs joués, c'est pas vraiment significatif. Au bout d'une dizaine de matchs, on y verra déjà plus clair. Et cette semaine, bah, on a 3 matchs encore au programme. Ça va être plutôt sympa. Ça va être encore sur la conférence Est que ça va se passer. Les Knicks vont affronter les leaders de la conférence Est. Ouh là là. Et ça va se jouer encore à l'extérieur. Premier match dans la nuit de mardi à mercredi chez nous en France. À quelle heure parce qu'on a fait un changement d'heure, je suis perdu. Milwaukee, c'est à 1h du matin. Ouais. Voilà, on a pu profiter du match à 23h face au Heat, oui. Mais là, on va retomber sur des horaires un petit peu plus traditionnels. Milwaukee Bucks. Tout est à 1h du mat, là. Ouais, tout est à 1h du mat. Milwaukee Bucks, un match de saison régulière classique. Pourquoi classique ? Parce que le match qui va suivre dans la nuit de vendredi à samedi, le soir d'Halloween, ouh, ayez peur. C'est quoi ? C'est les bonbons là ? Ou je sais plus, bonbons ou un sort qu'on vous jette ? C'est j'espère ça. J'espère qu'on aura plutôt des bonbons. Moi, j'ai jamais raconte bonbons que sort. J'ai jamais trop accroché, moi, à cette fête. J'aimais trop. J'ouvre pas à la porte, je regarde. Pas au gosse, moi. Ouais. Oh, tu leur donnes quelques laxatifs mélangés avec des M&M's, ça passe. Ah bah attends, on jette un sort. Ah voilà. Je veux dire. Tu vas en chier, mon petit gars. Spoiler. Non, ne le faites pas, ne le faites pas. Moi, si mes enfants sonnent, j'ai pas envie de les voir finir sur le trône toute la soirée. Que disais-je Chicago Bulls, les Chicago Bulls. Est-ce qu'ils vont être toujours leaders de cette conférence Est? On verra ça. Et en plus, ça va être un match de la Coupe, un match de la Cup. Oui, la Cup est de retour. On va en parler dans quelques instants. Et ce match-là sera le match de la Coupe. Ça se passera à Chicago. Et puis, quoi d'autre? Et bien, derrière, on retourne au Madison Square Garden. Les Bulls nous suivent. Et c'est un match dans la nuit de dimanche à lundi qui va se passer face aux Bulls. Voilà. Donc, deux fois la même affiche, mais aller-retour. Et c'est un match qui ouvrira une série de 7 matchs à la maison. Et bien, ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais... Parce que le Garden, il n'y a rien de plus beau. Oh, non, mais tu vois, ça... enfin, je veux dire, le 7 matchs à la maison, le calendrier, quand même, tu vois, et... En fait, quand tu jettes avantageux pour les Knicks, normalement, début de saison. Donc là, tu as joué tes 2 premiers matchs à la baraque. Là, tu en joues 3 à l'extérieur. T'en joues 7 après à nouveau à la maison. Et après, tu repars pour 5 matchs à l'extérieur. Enfin, c'est Tu peux pas être non plus tout le temps à la maison, mais effectivement, là, on aura 3 matchs à l'extérieur, puis une belle série. Après, ça se calme. Il faut après, en profiter pour emmagasiner des victoires. Après, ça se calme. Après, ça se calme. C'est un peu après à toi, à moi. Mais c'est vrai que là, 7 matchs à la maison, plus 5 matchs à l'extérieur, c'est des grosses séries, quoi. Il faut emmagasiner de la confiance, et il faut emmagasiner de la victoire. Donc, c'est tout normalement pour essayer de mettre les Knicks sur la bonne voie en ce début de saison régulière. On l'espère. Bon, tu nous donnes notre traditionnel bilan des équipes adverses, même si on l'a déjà un petit peu vu. Puis les forces en présence, contre qui ont-ils gagné, contre qui ont-ils perdu. Est-ce qu'il y a des blessés notables dans ces différentes équipes? Alors, chez. Qu'est-ce qui se passe du côté de ces deux équipes finalement? Alors, du côté des Chevreuils, donc, qu'est-ce qu'on a? écoute, ils ont, comme tu as dit, 2 à 1. C'est simple. Antetokounmpo fait tout. Sur les 3 matchs, meilleur scoreur. Sur les 3 matchs, meilleur rebondeur. Sur les 3 matchs, meilleur passeur. Bon, voilà. C'est simple. Tu vois, le basket. S'il y a un plan de jeu, c'est de limiter le rayonnement de Giannis, quoi. Voilà. Voilà, tu vois le mec, tu vois l'importance du mec. Bon, il faut, je veux dire, tous les jours, je pense que lui, par contre, il a vraiment droit même à sa fournée, à son deuxième fournée de massage. Tu vois, je pense que Janice, c'est. Non, mais bon, reviens faire un petit peu T'as masser des ta crampes? hanche, T'as qu'est-ce pas le que crampe? Mais vas-y, on va se masser tu. quand même. Je crois que t'as des crampes, je crois que t'en as. Et donc, ouais, donc, mais après, bon, voilà, ils ont joué donc Washington, ça s'est fini en 133-120. Un joli match contre Toronto, accroché, bon, et finalement, ils finissent par l'en remporter. Et là, cette fin, ouais, la nuit dernière, ils ont perdu contre Cleveland. Là encore, un match accrocheur, 118-113. Donc, ouais, bon, écoute, pour l'instant, on annonçait des Milwaukee Bucks un peu moribonds. Bon, écoute, alors. Le seul cadre qu'ils ont affronté, ils ont perdu le match, accroché. Après deux équipes qui vont s'affronter, soit Toronto pour une place en play-in, soit pour une place à Washington, je me dis quand même, ils joueront peut-être pas forcément le first pick. Mais bon, ils ont gagné. Voilà, c'est une équipe qu'il faut falloir prendre très au sérieux. Du côté des blessures, alors bon, on a un Cole Anthony, visiblement, qui est malade. Il n'a pas joué Vu. contre les Cavaliers. Et il avait fait un sacré match. Le réveil contre Toronto vient de lui. Gros, gros, gros quatrième quart de Cole Anthony. Kyle Kuzma est toujours aussi en délicatesse avec sa cheville. Et il n'a pas joué contre les Cavaliers. Est-ce qu'il sera de retour contre nous? C'est quand même deux joueurs importants. Et ensuite, on a Kevin Porter Jr. qui, lui, normalement, ne jouera pas. Il est annoncé out. Voilà pour nos Donc un amis effectif globalement du au complet, Wisconsin. au détail de Kuzma, mais bon voilà, on a un effectif qui est relativement au complet en ce début de saison. Et tu sais, Cole Anthony, attention, hein, franchement, il a été plutôt bon. Hein. Ah, quand on l'avait affronté face au Magic, puisqu'il avait fait son début de carrière au Magic, ouais, c'est un joueur qui est rapide, très aérien, il s'est monté très haut, il a un beau hang time, Je puis on crois peut envoyer quelques que. bombinettes à 3 points, donc Ouais, ça sera pas. Je dis pas que c'est le joueur à surveiller par définition numéro 1 à Milwaukee, parce qu'on sait que c'est le Grec, mais voilà, ça peut il être a un bon bien joué complément. contre les Knicks parce qu'il aurait bien aimé être drafté par les Knicks. Donc c'est vrai Ah oui, il avait toute une histoire, vous le savez. Et ce N'oublie pas papa, que le son père s'appelle papa. Carmelo, il s'appelle Greg. Eh Et ouais. oui, il portait le 50. Et Slam avait fait même une couverture un petit peu évocatrice. Le fils de. Bah oui, mais bon. Le concours à trois, là encore une Oui, fois, et avec les Timberland. le concours de dunk. Ouais, Concours le de dunk où il avait pardon, dunké concours de Randy dunk, ouais, pardon. Timberland. Ouais. Mais il peut envoyer du 3 points aussi. Donc méfiance sur ce joueur qui sera assurément motivé à jouer contre les Knicks. Alors, nos amis des Bon, les Bulls, taureaux qu'est-ce que c'est que ça, la Bulls invaincue? que nous allons affronter deux fois, coup sur coup. Donc, bon, la preview sera rapide. Bah, deux matchs, deux victoires. Et attention, et pas contre n'importe qui, contre des équipes qu'on annonce dans le top 6. Et moi, notamment, bah, Orlando, je les vois assez haut. Donc, Détroit, victoire, premier match, 115-111. Et deuxième match, à Orlando. Et là encore, hein, très surprenant, cette victoire à Orlando, 110-98. Donc, ouais, des matchs importants avec un Josh Giddey qui est présent, un Vucevic qui est présent. Voilà, on a quand même des joueurs, des bons joueurs de basket, hein, Dosunmu, Herter, Trey Jones, le petit Matas Bouzilis, hein, mine de rien, qui dans son année sophomore amène aussi. Donc, écoute, Méfiance. c'est une équipe aussi un peu quand même assez athlétique, on va dire, hein, qui va amener du défi physique avec des Patrick Williams, des Ça Isaac risque de courir, quoi. Okoro. Ouais, ça va, des Jalen Smith, c'est quand même du costaud. Donc, voilà, c'est une équipe qui pour l'instant est plutôt, on va dire, dans le haut du panier. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va rester comme ça? Pour moi, c'est une équipe mid qui va être dans la On concurrence rentre. avec Toronto pour les places de play-in. L'année dernière, on avait un match qui s'était décidé à la fin avec un contre de Mikal sur Vucevic. Tu te rappelles, au poste, et il le contre. C'était pas déjà en cup en plus? J'ai un doute. Ah, je Il y sais avait un pas. match de cup où Mikal va contrer Schroeder qui jouait au net, mais je Ah, il sais jouait plus en net, si c'est ouais. pas en cup. Et je me rappelle bien de Mais il y avait le ce compte contre sur. de Mikal Ouais. sur le Vooch, Et mais arrêtez, je sais hein. plus si c'était en cup. C'est-à-dire, il est au poste, il le joue au poste, Ah tu peux dire, ouais, et il le tient quoi. il va le chercher haut. Avec ses longs Ah bras, ouais. Goku Gadget au Donc, bras. c'est exactement ce que j'allais dire. Et puis, donc, écoute, donc voilà. Et au niveau des blessés, alors bon, au niveau des blessés, on a un Josh Giddey qui est annoncé, donc pour l'instant, day to day, et incertain, donc pour leur premier match, parce que eux, ils vont jouer avant nous, ils vont jouer Atlanta. Donc c'est quand même pas rien, Atlanta, là encore, une équipe. Une qui équipe, a l'ambition, qui s'est renforcée cet été, annoncé qui espère top. Jouer les, ils ont, le haut ils ont du un, tableau. Ils ont un début de saison pas évident parce que quand tu regardes, donc, ils ont joué Détroit, Orlando, Atlanta et deux fois les Knicks. C'est-à-dire que là, ils jouent, on va dire entre guillemets, tous les cadors de la conférence Est. Mais ils n'ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre et ils s'en sortent bien. Si au sortir de, ces matchs-là, ils sont en positif, eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on a Coby White qui a annoncé point out, donc encore pendant 2 semaines, donc il ne jouera pas. Tant mieux, parce qu'il nous avait causé des problèmes. Lui. Ouais, c'est un bon joueur. Et Zach Collins, donc qui a annoncé out. Après ça, c'est peut-être plus anecdotique. Donc, et comme je t'ai dit, donc du coup, avant de nous jouer, ils vont jouer donc Atlanta et ils vont jouer Sacramento. Ils seront en back-to-back contre nous. Eh bien, il serait bon d'en profiter. Alors, avant qu'on parle, qu'on donne notre pronostic, le match immanquable de la semaine, bah, n'oubliez pas, ça y est, c'est parti, la Cup est de retour. Alors, vous savez, c'est la compétition dans la compétition. Au final, tous les matchs de saison régulière comptent double. Ils comptent pour le classement de saison régulière et ils comptent aussi dans ces groupes de la Cup. On a... j'ai même pas noté surtout que tu as vu que maintenant, même les demi-finales de Cup ne se joueront plus. Il n'y aura que la finale qui se joue à Las Vegas. Donc, il n'y a que le match ultime le dernier qui match, se quoi. Joue à Las Vegas. Ouais, donc, donc le 83e match, quoi. Si le 83e match a lieu, effectivement. Non, mais quoi qu'il arrive, il y aura un 83e match pour deux équipes sur les 30. Pour les finalistes. Et qui iront à Vegas pour disputer cette. Exactement. Cette coupe, ce titre. Alors j'entends dire des fois, oui, la Cup ça sert à rien, la Cup c'est fait pour faire de l'argent. Bah en fait, tu fais pas plus d'argent quand tu joues 82 matchs, de toute façon. Non. Donc, il y a un partenariat avec... c'est quoi? C'est Emirates, la compagnie aérienne. Compagnie aérienne, cherchez le terme. Des avions, là, les trucs qui montent dans le ciel. Eh, la compagnie des avions, là. Les trucs, là, qui planent, là, qu'on prend des fois pour aller là-bas, là. C'est Emirates qui rajoute un peu de branding autour du nom. Effectivement, sûrement la ville de Las Vegas qui met un peu d'argent pour accueillir cet événement. En attendant, pourquoi pas, d'accueillir un jour une franchise. Mais voilà, en soi, il faut gagner les matchs. C'est une sorte de compétition dans la compétition. Les meilleures équipes du début de saison. Donc, moi, je préfère voir effectivement des affiches intéressantes avec des cadors plutôt que de voir un match contre les Hornets en régulière. Donc voilà, moi je préfère voir des Knicks qui sont bons en début de saison parce que ça a plutôt été payant aussi pour les équipes qui se sont imposées la saison précédente. On avait les Pacers qui avaient fini en finale sur la toute première édition, qui avaient perdu contre les Lakers, certes, mais qui avaient fait une belle saison dans la suite. L'année dernière, on a les Bucks qui remportent cette Cup face au OKC Center. Donc voilà, c'est des équipes qui savent être en forme en début de saison et qui peuvent peut-être aussi garder ce rythme pour le reste. Donc pourquoi pas. Cette année, dans le groupe C de l'Est, on va retrouver donc les Knicks avec les Bulls, avec les Hornets, avec les Bucks et avec le Heat. Bon, le Heat, on aura une revanche à prendre sur eux par rapport à cette défaite en régulière qui comptait que pour de la régulière. Et donc, les Bulls, on va aussi les affronter assez vite. Donc, un groupe qui, normalement, est à la portée des Knicks sur le papier. Après, le papier... Et le papier, c'est bien, mais le parquet aussi a été révélé. Il y aura un nouveau parquet, une nouvelle édition du parquet. Il est beau. Ça change. L'année dernière, on avait du orange, dominante orange avec des tours en bleu. Là, maintenant, au revoir le orange, on a une dominante bleue, une petite skyline, des coupes dans les raquettes et des coupes au milieu du parquet. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve plutôt réussi cette nouvelle version. Et puis, un tour en noir qui fait un petit peu de sobriété. Parce que c'est vrai que certains parquets piquent les yeux quand même. On a des dominantes de rouge, même la dominante de orange qu'on avait eue il y a deux ans. Ah, celui-là, il faisait saigner les yeux. Bon, il fallait trouver où était le ballon, c'était pas évident. Mais voilà, une cup, j'ai envie de dire, ça pourrait se prendre. Faut pas cracher dessus. Si c'est un 83e match à jouer à Vegas, et ben ça mettra un petit peu plus les projecteurs sur les Knicks. Et pourquoi pas donner de la confiance et aussi donner de l'expérience à un groupe qui a envie d'aller loin. et ben ça peut aussi passer par la Cup. Donc moi, je suis pas contre la Cup, je suis pas archi fan de la Cup. Si les Knicks s'y retrouvent, et ben j'ai envie de dire, jouons-la, essayons de la gagner, quoi. Pourquoi pas? Bah, c'est une coupe, il faut la gagner, bien sûr. On n'a pas non plus des tonnes de trophées, quoi. Il faut partir du principe que de toute façon, tu joues une compétition, c'est pour la gagner, quoi. Donc, hormis quand tu t'appelles les Nets, mais sinon, oui, c'est pour la gagner. Voilà, petite crotte de nez au passage. Allez, donc, du coup, sur ce calendrier, c'est quoi le match immanquable pour toi? Bah, Milwaukee. Cette semaine. Milwaukee. Oui. Surtout après les déclarations, ah, moi j'aimerais bien jouer au Knicks. Bon, finalement, je regarde un petit peu. Bon, ouais, mais les trois matchs, enfin, les trois matchs, parce que mine de rien, curieux de voir cette équipe des Bulls, là, comment on va se comporter. En fait, ouais, cette équipe des Knicks est capable, peu importe l'adversaire, t'as envie capable de gagner contre n'importe qui. Et on voit, est capable de perdre contre, enfin, attends, n'importe qui. Pour l'instant, est capable de perdre contre le Heat. Mais pas n'importe qui non plus, bon, qui est pas n'importe qui, ils ont quelques problèmes avec le FBI, voilà, mais ça c'est voilà. Encore non, mais laissons la police faire son travail, c'est pas les Charlotte Hornets, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai hâte de voir un peu ben justement comment l'équipe va se comporter, puis surtout ce banc, quoi. Tu vois, je regardais des highlights de Yabou avec les Philadelphia Sixers l'année dernière. Il va nous, sur ces trois matchs, il va nous sortir son match référence. Ça va le libérer, ça va lancer sa saison. Sur un des trois matchs, il va lancer son match référence et on y croit parce qu'on a besoin, Les Knicks n'en tiendront rien si on a un banc qui ne produit pas. On a besoin de production du banc. Et ça viendra par Gershon, j'en suis persuadé. Donc ça viendra sur quel match, tu as dit? Sur le match des Bulls, ça viendra. D'accord, ok, formidable. On sait pas lequel, mais... Bon, du coup, la semaine dernière... Sur le deuxième match, qui est les Bulls. Ok, d'accord, le match de coupe. Ok, ouais. Ok, pourquoi pas, écoute. C'est un homme de coupe. On l'encourage et c'est un homme de coupe. Ok. Ah si, il ne performe que sur les coupes, ça va être un peu gênant parce qu'il n'y aura pas non plus énormément dans l'année. Il ne va pas performer que sur les coupes, évidemment, mais ça va le lancer. Voilà. Ça, de coupe, l'afro, tout ça. Enfin, vous avez Ok, allez, la semaine dernière, j'étais parti sur un 3-0, et ben, je me suis trompé. Et mince alors, zut, flûte, on n'a pas envie de se faire déréférencer. Si vous voulez vous faire du pognon et pas être épinglé par le FBI, il faut m'écouter moi, hein. Vous avez bien compris que pour l'instant, je suis à 100% réussite, pour l'instant. Ouais. Faites pas les bolos comme diraient les autres. Hashtag. Mais n'oubliez pas que les jeux d'argent c'est mal. Mais n'oubliez pas notre sponsor quand même. Donc ici on parie gratuitement. On gagne ou on perd. De toute façon on gagne que dalle. Non. Non. Ouais. Je te laisse te mouiller sur cette semaine. C'était sur un 2-1. Tu avais vu tout bon la semaine dernière. Cette semaine 3 matchs. 2 à l'extérieur, 1 à domicile. C'est quoi qu'au fond les Knicks à la fin de la semaine? Alors, que font? Bah écoute, je vais rester sur un 2-1. Ah ouais, c'est ta tendance pour la saison, quoi. Ouais, l'équipe se cherche. En playoff, 2-1, ça va être embêtant, quand même. Mais... Ouais, okay. L'équipe se cherche. Je pense qu'on perd contre deuxième défaite d'affilée contre les Bucks, contre nos amis des chevreuils. Et par contre, on rebondit pas, mince. Non, on rebondit pas sur les chevreuils. Par contre, on dompte deux fois les taureaux, quoi. Hop, allez, Mine de rien, c'est pas forcément évident cette semaine parce que jouer deux fois la même équipe. En plus, c'est pas du back-to-back, mais il y a des ajustements, tout ça. En plus, les Bulls sont en back-to-back, eux. Nous, on aura envie de se rattraper parce que ça fera deux défaites, tu vois, 2-2, début de saison. Voilà. Chris, doit-on limoger Mike Brown? Et c'est là que... Faut-il mettre Rick Brunson? Et c'est là que Yabouzélé sort du bois et s'inscrit en sauveur sur le match contre les Bulls. Et ça y est, et le deuxième match... marque 6 points. Ouais, premier match contre les Bulls accrocha, malgré le fait, tu vois, qu'ils sont en back-to-back. Et deuxième match à la maison contre les Bulls, blowout, on les défonce. Ok. Bon, écoute, c'est un scénario qui peut se tenir. 2-1 pour toi. Est-ce qu'on va voir Tom Thibodeau aller donner des conseils aux Bulls cette semaine? Possible. T'imagines, chaque semaine, en fait, il va rencontrer une des équipes. Nos adversaires à venir. C'est dingue, quoi. En fait, il prépare le terrain, quoi. Nous, quoi. Je suis allé voir Doc Rivers, que c'est un poteau. Je suis allé le voir. Bah, en plus. Bah, je suis allé voir à Chicago parce que je connais la Bah, je maison. connais Bah la oui, bah maison. tiens donc Tom, alors Tom. Est-ce que tu serais pas un peu en train de nous chier dans les bottes, Tom? Mais on t'aime. Est-ce que t'as pas un peu de rancœur contre Mike Brown? J'ai hâte de savoir les justifications pour Washington et Memphis, hein, pour Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Bon, j'essaie de reprendre mon sérieux et moi j'annonce tout de suite un 3-0 cette semaine. Parce que si toi t'as tendance, c'est un 2-1. Moi c'est 3-0. J'en veux rien Je savoir. tiens à mes 82 matchs. Moi je me mets 82 victoires. Ah non, maintenant je sais que c'est fini, mais j'avais quand même pronostiqué un 55-58. Ah. Allez, on pousse jusqu'à 60, tu vois. Donc il faut pas. Voilà, faut reprendre. Donc non, il faut rebondir. Défaite un peu frustrante face à ce hit. Les Bucks, oui, en plus, il y a toute l'histoire de Giannis. Donc est-ce que Karl-Anthony Towns va dire non mais attendez quoi? Vous voulez me trade contre Giannis? Mais Giannis, Oui, il n'a pas de shoot à 3 points. Oui, Moi, je vais vous montrer oui. que le 15-54, là, c'était n'importe quoi. Je vais mettre mes 15-3 points dans ce match. Donc, 15-3 bon, points. Opposition de style. Peut-être qu'il y aura de la réaction. Les Knicks sont souvent une équipe à réaction. Ça va être intéressant de voir comment on réagit après une défaite. Remarque, s'il brille contre les Bucks, c'est plus facile à vendre la soupe après. Et regardez. Eh, regardez, 4. Contre Giannis, ouais. ça vaut, ça vaut. Et en ça même vaut. Temps, si Giannis n'a pas de shoot à 3, est-ce qu'il nous faut un mec qui bourrine dans la raquette? Moi, Bon, à voir, à voir. Moi, je veux bien, c'est pas grave, je veux bien prendre le risque. C'est à voir, à voir. Mais en tout cas, ça va être un match intéressant sur tout un tas d'aspects. Effectivement, l'après-défaite, le fameux duel à distance, il paraît que les Knicks s'étaient rapprochés des Bucks cet été. Qui était dans le package proposé qui a été refusé? Qui va vouloir briller? Est-ce que Mitch va revenir cette semaine? Parce que bon, on le manage, mais à un moment, on le manage pour jouer. Donc, est-ce que ça va être un retour cette Est-ce semaine? que Pacome Donc, Dadier et Mohamed Diawara ne seront plus DNP? Est-ce qu'ils auront quelques minutes? Peut-être face aux Bulls, peut-être. Allez, à voir. Pour histoire qu'ils brillent face aux Bulls. Est-ce qu'on va avoir un Clarkson game? Peut-être. Il y a Boo Games. On verra en tout cas tout ça. Mais ouais, est-ce non, que moi j'ai. Je vais mettre un panier? Oh, il en a mis quand même, t'es méchant. Est-ce qu'il va en mettre deux? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, est-ce que McBride va revenir? A priori, c'était des raisons personnelles, donc peut-être un problème familial. Espérons pas trop grave, mais en tout cas, rien lié au sportif et son incapacité à jouer par rapport à sa capacité de jeu. Donc, un retour de McBride serait intéressant. Et pour entre l'instant, autres, pour l'instant, sur, face sur à ses Bulls, ESPN, il était marqué donc un day-to-day contre le Heat, mais après, il n'y a rien de plus. Et pour Mitchell Robinson, pareil, il était out contre le Heat, mais après, alors, une cheville douloureuse. Mais après, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas de délai. Donc, autant regarde, Josh Hart, moi, ça a été la surprise hein, quand il est le revenu. Le revenir aussi vite, ouais. Ouais, moi, ça a été un peu la surprise. Donc, autant il sera là sur la semaine 4. Autant on aura l'effectif au complet. On va voir pour Mitch, mais pour McBride, ça peut revenir. Mais en tout cas, voilà. Ouais, non, j'ai envie d'être confiant. J'ai envie de croire en la qualité de cette équipe. Oui, il y a des ajustements. Oui, comme toutes les équipes, on se cherche encore. Le plein régime, c'est pas là, sur la première semaine de rentrée, que ça s'impose. Ça va être rapidement, au bout d'une quinzaine, vingtaine de matchs, qu'on va voir dans quel rythme s'installe cette équipe, comment l'osmose se prend au niveau des joueurs du banc. Donc voilà, donc non, j'ai envie d'être confiant sur cette semaine. Les Bucks sont l'adversaire sur le papier les plus forts, avec un MVP potentiel en la personne de Giannis, qui lui aussi aura envie de briller face aux Knicks, qui lui aussi aura envie de montrer que non, cette saison, il faudra compter avec les Bucks. Les Bulls, pour moi, ça joue sans rien avoir à perdre, mais ça doit rentrer dans le rang assez vite. Faut pas déconner, voilà, des Bulls invaincus, ce serait voilà, un scénario que personne n'avait vu venir. Est-ce que ça sera la belle surprise comme les Pistons avaient pu l'être la saison dernière? Bon, on verra, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais moi, j'ai envie de me prononcer sur une semaine sans défaite des Knicks. Tout ça va se jouer dès le premier match, oulala. On verra tout ça. Bon, ça va être tout pour nous pour cet épisode 132. Voilà, on est de retour. Semaine prochaine, Inch'Allah, si les dieux d'Internet me le permettent, on sera de retour parce que je déménage. Voilà, ce décor va changer. Ce décor trop provisoire où il n'y a plus grand-chose. Une petite casquette Dragon Ball et puis des doigts en mousse. Un petit doigt en mousse là, le JB qui reste avec moi, mais qui vont m'accompagner sur un nouveau studio. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. On a un petit problème pour la mise en ligne sur les plateformes audio. Décidément, la reprise est compliquée, mais on essaye de régler ça au plus vite. D'ici là, vous savez où nous retrouver sur KNF TV, sur YouTube, tous les lundis, 18h30. Et puis et voilà. Hein. Et puis on retrouvera Chapi très vite aussi, dans la semaine, sur les Space, sur X. Sur les Space. Bon, voisin du dessous. Ah oui, puis n'oubliez pas, le voyage. Hein. Et oui. Le voyage, il reste encore quelques places, donc n'oubliez pas, toutes les informations sont sur le site. Le road trip, si Washington DC, New York. Ouais. On peut se moquer des Wizards, mais c'est une ville qui mérite son détour. Et puis, n'oubliez pas, il y a le Joker, Jokic, Denver. Belle petite équipe qui sera peut-être champion ou pas, s'ils perdent ou pas contre les Knicks en finale. En 7. Bon, bref, je ne vais pas vous spoiler. En 7. Ouais. Au Madison Square Garden. On verra. Sur un 3-2, GB comme contre Détroit, là. Non. Hop. De Gershon. De Gershon. Prends bien ses appuis. De Pacom Dadier, s'il est encore là. Grosse surprise là, de Mike Brown. Pacom Dadier, on en reparlera plus tard. Hein. Mais Gershon, en Gershon, nous believons. En Pacom, j'ai essayé, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de truster. J'ai trusté, mais je truste plus. Bon, en tout cas, voisins du dessous, believe in the Knicks. Bah, bon déménagement, hein, parce que bon, tu faisais trop de boucan, donc bon. Est-ce qu'on changerait pas l'ordre des vignettes la semaine prochaine? On sera en dessous. Je sais pas. Sous toi, ça me fait bizarre, en fait. Bon, sur ce, on arrête parce que là, on dérive trop. Bonne semaine à toutes et à toutes, et let's go Knicks. Ciao, ciao.